Assemblage Ruki et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Voici le plan très simple pour l'émission aujourd'hui. Kiwan se met en boule dans un coin et pleure pendant deux heures sur un fond de musique néo-polka russe trash. Bienvenue à Assemblage Ruki. Ah, bienvenue à l'émission Assemblage Ruki aujourd'hui. Je m'appelle Kiwan et même si j'aurais toutes les raisons aujourd'hui de passer l'émission à pleurer, je le ferai pas, non. Je vais quand même vous accompagner jusqu'à 17h, en fait, comme d'habitude, même si je suis seul aujourd'hui, oui, parce que Mathieu Plante est pas ici. Mathieu Plante est malade, malheureusement. J'espère qu'il n'a pas contracté la grippe AH1N1. J'espère qu'il va s'en remettre et qu'il va pas mourir. Non, je pense qu'il va être de retour demain, ça devrait aller mieux pour lui. Mais aussi, en plus de l'absence de Mathieu, ben généralement, les lundis, on reçoit François Landry qui vient nous parler de politique, mais il sera pas là aujourd'hui. François Landry est même qui sera pas là pour un bon moment, en fait, pour assez longtemps. On espère qu'il va revenir un jour, mais bon, ses fonctions, son emploi à l'association étudiante l'empêche, en tout cas, pour une bonne période de trouver le temps pour venir nous voir. Donc, on souhaite qu'il va revenir un jour dans l'émission, mais pour l'instant, plus de chroniques politiques avec François Landry. Je sais que ça fait mal, c'est une grosse perte, mais on va s'en remettre. Donc aujourd'hui, il va quand même avoir, comme à tous les lundis, la capsule mythologique de Martin Bertrand. Aujourd'hui, on va parler de télé-réalité. Et sinon, ben, je vais essayer de me débrouiller comme ça pendant deux heures avec vous pour pas que ce soit trop plate. Et puis pour ce faire, ben, je compte bien vous passer de l'excellente musique. Et on va commencer ça tout de suite d'ailleurs avec la position numéro 1 du palmarès francophone. C'est le groupe Flat et la pièce Technicolor. Vous écoutez Assemblage Ruki au 89.1. Je prends face que je te crache dessus. Regarde-moi en pleine face. Sur l'asphalte, les gens accourent au ralenti, les sirènes sonnent en slow motion. Silver Starling et la pièce Caught in Your Glow, c'est ce qu'on vient d'entendre. Juste avant ça, il y avait Archigéant avec la pièce En pleine face. Je vous rappelle que vous écoutez toujours l'émission Assemblage requis avec Kiwan qui est seul aujourd'hui, sans Mathieu Plante, qui va être de retour demain, on l'espère. Dans quelques minutes, dans environ une douzaine de minutes, on va entendre la capsule des petites mythologies de Martin Bertrand. Cette semaine, on parle de la télé-réalité. Et tout de suite, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en musique tout de suite avec une pièce de David Martel. On va écouter la pièce The Good Lord de David Martel à Assemblage requis. Mind up on a plane. She makes me better now she learned. Let the fire start it and everything will burn. The good Lord planned it. The good Lord planned it to take him away. The good Lord planned it. The good Lord planned it to take her away. Of me, more to explain. So now you've seen the failure, it's up to you to stay. Thank you.

D'aucuns se rappelleront la série Pignon sur rue présentée par Télé-Québec de 1995 à 1999. Le synopsis de l'émission était alors assez simple. 6 à 7 jeunes de diverses régions qui cohabitent dans un appartement de Montréal, que l'on regarde vivre sous l'œil de la caméra. À l'époque, la télé-réalité, phénomène naissant, avait une volonté davantage documentaire et visait une certaine authenticité. Par contre, bien que la série ait reçu un succès d'estime, le public n'a que peu embarqué dans le concept, et les codes d'écoute se sont laissés attendre. Il faudra attendre la série Big Brother, qui n'était pas à l'origine un concept américain, mais bien néerlandais, pour obtenir un succès public. À la différence de la plupart de ses prédécesseurs, on y a introduit un contexte, tout ce qu'il y a de plus artificiel, et évacué toute dimension documentaire du produit. On entre alors dans une émission qui se veut uniquement un divertissement télévisuel, et le public a en effet fortement embarqué cette fois-ci. Ce qui a sans doute fait la différence, c'est l'ajout d'un système d'élimination et une forme de jeu télévisé où les participants devenaient des concurrents. Ce type de concept a fait des petits au Québec avec les séries telles Love Story, Occupation Double et Star Academy. De la réalité et de l'authenticité, il n'en reste pas énormément dans la télé-réalité. Alors pourquoi le public en redemandait-il autant et avait-il tant l'impression de voir du vrai monde dans une mise en scène aussi flagrante? Il faut dire en premier lieu que les participants à ce genre d'émission ne sont pas des acteurs, bien qu'ils soient triés sur le volet avant les émissions. Observez que l'on choisit les participants en regard de leur personnalité fortement marquée. À travers le traitement de la mise en scène et du montage, ils deviennent des types psychologiques. La bonne fille, la bitch, le séducteur, l'intello, auxquels les spectateurs peuvent s'identifier ou du moins identifier une partie de leur moi. Ils peuvent ainsi se projeter dans certains participants et en diaboliser d'autres. Le monde devient donc simple et dichotomique. On a les bons et on a les méchants. Ce sentiment est poussé à son extrême parce que chacun des spectateurs se dit qu'il pourrait lui aussi devenir ce gars-là ou cette fille-là à l'écran, étant donné l'aspect démocratique. Ajoutons que ce genre d'émission exacerbe le côté exhibitionniste voyeur présent chez la plupart des gens, mais souvent refoulé dans la psyché. Aristote parlait de catharsis pour ce phénomène où l'âme est transportée hors d'elle-même et se purge de son trop-plein émotif par identification. L'aspect élimination procure, d'un point de vue cathartique, des émotions fortes puisque les spectateurs vivent leurs émotions à travers les participants. Dans un monde qui vise de plus en plus la sécurité, le fait de voir les autres prendre des risques, calculés, il faut bien le dire, puisque sinon les producteurs couleraient sous les poursuites, satisfait le besoin d'émotions fortes de l'être humain, désormais pris en charge par la télé et ce, dans le confort du salon. Dans un monde où tout le monde veut être spécial, ce qui veut dire que personne ne serait vraiment, et où chacun veut connaître ne serait-ce qu'un quart d'heure de gloire, la télé-réalité donne l'impression que tout le monde, tout d'un coup, peut devenir une vedette. L'individu a donc tout le loisir de laisser libre cours à ses désirs de grandeur, avec, en plus, l'impression qu'il pourrait se retrouver à l'intérieur de la boîte à images. Vous venez d'entendre une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, c'est fou comme un balai. 17h, assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky. On vient d'entendre Elephantine et la pièce une clope, un café, oui, qui était sur les palmarès francophones il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais vous parler un peu du Mexique. Je ne sais pas si vous avez lu la presse ou sûrement d'autres journaux, d'autres médias qui en ont fait mention, mais un bel article dans la presse d'aujourd'hui, dans la section Art et spectacle, à la page 3. C'est sous la plume de Nathaël Morissette. On parle en fait de la culture québécoise qui rayonne au Mexique dans le cadre du festival Cervantino qui avait lieu dans la ville de Guanajuato. Donc c'est l'organisme MUTEC ou le festival MUTEC ici du Québec et qui fait un peu un partenariat avec le festival là-bas pour amener des artistes québécois là-bas. Il y a eu 3 spectacles de musique électronique. Il y avait des installations aussi qui étaient là-bas pour tout le festival. Aussi le Cirque Éloise, l'Orchestre Symphonique de Montréal, la troupe de Robert Lepage, Ex Machina, le Théâtre Sans Fil, le Carrousel et Au Vertigo. C'est toutes des institutions artistiques québécoises qui étaient représentées là-bas au festival Cervantino. Mais moi, ce que je veux vous parler, c'est qu'en plus de tout ça, c'est comme une délégation québécoise un peu. Il y avait les ministres de la Culture du Québec, peut-être pas le ministre de la Culture du Canada. Est-ce que ça existe d'abord un ministre de la Culture au Canada? Peu importe. Mais en marge de tout ça, de façon complètement indépendante, il y a le groupe québécois Creature, que vous connaissez sûrement, mais que quand même peu de gens connaissent au Québec, qui n'ont pas un succès qui est si retentissant au Québec, Creature. Moi, je les avais vus en spectacle cet été à M sur les quais, puis ils revenaient justement du Mexique, puis ils disaient que là-bas, les gens tripaient sur eux, il y avait vraiment beaucoup de il y avait une très bonne réception au niveau du public là-bas. Et ils disaient qu'ils avaient justement hâte d'y retourner, et ils y sont là présentement, à Mexico. Eux sont vraiment dans la ville de Mexico. Ils vont participer à un gros festival là-bas dans un stade qui peut accueillir 100 000 personnes. Ils ont joué, c'est peut-être passé déjà là, où l'article sur le blog de Creature date de ce matin, cette nuit en fait. Mais c'est ça, ils ont joué sur la même scène que The Killers, dans un très gros stade. Et puis là-bas, leur musique joue sur les radios populaires. Ils font partie des top 40 des chansons les plus populaires. Ils ont vraiment un très, très gros succès là-bas, beaucoup plus qu'ici. Donc, ils semblent vraiment avoir une espèce de lien artistique, culturel, je sais pas trop, entre le Québec et le Mexique. Puis c'est ça, je voulais juste mentionner ça parce qu'en plus de tout ce dont on parle avec MUTEC et puis le festival Cervantino, il y a quand même des initiatives indépendantes et puis en marge de tout ça qui portent vraiment un fruit. Même probablement que Creature ont un plus grand succès là-bas. Si vous parlez à un Mexicain aujourd'hui, là, ça se peut qu'il y a plus de chances qu'il ait entendu parler de Creature que de le Cirque Éloise ou quelconque autre artiste qui était là-bas dans le cadre du festival Cervantino, même si c'est très honorable pour eux, pour tous ces artistes-là qui ont fait partie du festival. Mais bon, je salue Creature et pour la peine, on va aller écouter la pièce It's Over, extrait de leur dernier album qui s'appelle leur dernier album No Sleep At All. Donc on écoute It's Over de Creature à Assemblage Rocky. Assemblage Requis et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Hôtel Morphée et la pièce Super Héros, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est une nouveauté qu'on a reçue assez fou cette semaine. C'est sûr que je vais vous en reparler un petit peu plus dans l'émission L'Adrien Porte à Gauche, oui, demain 17h. C'est l'émission que j'anime à chaque semaine ici, qui présente dans le fond une heure de musique francophone et où j'essaie de vous faire découvrir des groupes comme ça. Donc Hôtel Morphée, je vous agace un petit peu avec ça aujourd'hui, mais je vous en reparle demain. Vous savez, aujourd'hui, à l'émission Assemblage Requis, je suis seul. Kiwan est seul à l'émission parce que Mathieu est malade. Donc, Mathieu est probablement chez eux, en train d'agoniser. Peut-être avec, une bouillotte sur le front ou un suppositoire. J'en sais trop rien, vraiment. Mais peut-être qu'il aussi est en train d'écouter la télé parce que généralement, Mathieu, à cette heure-ci, est ici à la station. Il ne peut pas se permettre d'écouter la télévision. Là, aujourd'hui, il est chez eux, il a le choix. Je ne sais pas s'il nous écoute. Je ne sais pas s'il est à l'écoute présentement ou s'il est plutôt devant son téléviseur. Mais il y aurait la chance, cette semaine, s'il voulait, il y aurait la chance d'écouter enfin son rêve ultime, Les Feux de l'amour. Mais pour ceux qui m'écoutent présentement à la radio, qui ont d'autres choses à faire que d'écouter Les Feux de l'amour, ben je vous propose quand même le résumé de la semaine. Parce que c'est vraiment très pertinent et très intéressant cette semaine, vous allez voir, c'est incroyable. Nick partage avec Sharon ses meilleurs souvenirs de célébration du 4 juillet. Déjà là, c'est un hit. À l'occasion de la fête donnée par les Newman. Marissa et Lynn pensent que Paul s'intéresse un peu trop à Isabella, mais qu'est-ce que ça peut bien leur faire? Vraiment, là? Paul laissera-t-il tomber sa femme? C'est tragique quand même. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Mathieu, si tu es à l'écoute, là, vraiment, paye-toi donc un petit luxe, là. Va écouter un petit 5 minutes de Des Feux de l'amour pour moi. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Parce que moi, à chaque semaine, je lis les résumés et ça m'allume tellement. J'ai tellement envie d'aller les écouter. Donc, si vous avez la chance, là, un petit 5 minutes, puis revenez. Juste pour me faire plaisir, finalement. Vous allez vous rendre compte que vous êtes mieux assez fou à cette heure-ci. À n'importe quel moment du jour, en fait, c'est sûr que vous êtes mieux assez fou qu'avec Les Feux de l'amour. Bon, on continue en musique tout de suite avec du Bad for Lashes. C'est la pièce Daniel à Assemblage Rocky. Bad for Lashes, c'est la pièce Daniel à Assemblage Requis. Vous savez, Fred Fortin a lancé un album récemment. Ça fait pas très longtemps que l'album est sorti. Il s'appelle Plastrer la Lune et il va faire une tournée pour ce spectacle-là. En fait, la tournée a déjà commencé depuis quelques jours. Oui, a commencé ça à Sherbrooke. Il va faire un peu le tour du Québec. Il va être de passage à Trois-Rivières. Ici, ça va être à l'Embuscade. C'est samedi le 28 novembre. C'est quand même dans quelques semaines. en deux, trois semaines, on a le temps de vous en reparler, c'est certain. Mais je vous en parle tout de suite. Et puis, en même temps, je vous donne quelques nouvelles sur Fred Fortin. Il y a un documentaire qui a été tourné, un documentaire d'une heure consacré entièrement à Fred Fortin qui a été réalisé par Antoine Laprise. Ça va être diffusé, ça, sur les ondes de Radio-Canada. J'ai pas la date. Parce que je pense que c'est pas annoncé encore, mais ça va être à surveiller. C'est un documentaire du Nord qui s'appelle « La bête volumineuse » sur Fred Fortin. Donc, ça va être à surveiller. Ça va être à surveiller aussi prochainement, au cours des prochaines semaines, d'ici au spectacle sur les ondes de C'est fou. On devrait avoir la visite de Fred Fortin en attendant son spectacle du 28 novembre. Mais pour l'instant, on va écouter la pièce titre de son nouvel album « Plastrer la lune » à Assemblage Requis. Bon retour, vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis. Kiwan qui est avec vous est seul aujourd'hui, je vous le rappelle exceptionnellement. Aujourd'hui, je suis seul à l'émission. Parce que Mathieu est malade, il devrait être de retour demain, on le souhaite. En tout cas, on lui souhaite de bien aller. Aussi, si vous êtes des habitués de l'émission, vous savez que généralement, les lundis, en début de deuxième heure, on a la visite de François Landry qui vient nous jaser un peu d'actualité politique. Mais si vous étiez pas là au début de l'émission, ben je vous annonce que c'est dommage, mais François Landry sera plus avec nous dorénavant. En tout cas, on espère qu'il va avoir le temps éventuellement de revenir avec nous pour nous représenter à nouveau ses chroniques politiques. Mais pour l'instant, il avait un horaire trop chargé. Il ne pouvait plus nous accompagner comme ça deux fois par semaine, comme il le faisait si bien. Donc, il sera pas là aujourd'hui, mais peut-être un jour de nouveau. On continue en musique tout de suite avec Escarmica et la pièce L'Accident à Assemblage Requis. Sur une route maganée, déminée par le doute des lieux mal éclairés. T'as manqué une courbe et le short a craché. Tu traverses la neige, le pare-brise qui casse. Et ton corps aussitôt hélico projeté par-delà quelques vrais, quelques accès ratés. Jeté en deux temps, toi ta caisse renversée. Prends le volant, la route et puis le champ. Traverser le verre comme on sort de sa mère. Vu la somme des entorses, vu le sang sur le corps, ton âme flanche et divorce. Si tu te vois, je te parle de toi. Fais le chant des rangs pour ton corps fini. Jusqu'à ce que tu t'endormes. Parmi l'eau crayonnée à l'aquarelle incendie, t'es bercé par le vent sur un lit de gravier. Et partout sous ta peau le sang a dessiné des fleurs fanées, des chrysanthèmes qui mousent. Et on fait un gros plan sur ton corps en fadesse. Le pare-brise que tu mâches et le média reste fond commun à la route. Tes yeux brûlés car heurtés en boutique dans les archipels verts. Heurtés par l'oubli et l'absence de lumière. Vu le sang des entorses, vu le sang sur les glaces, ton âme flanche et divorce. La tête des années blanc, et toi, dans le tour de ton poids. We'll be right back. a tired refrain. Noisemaker, noisemaker. Two Hours Traffic est la pièce Noisemaker, c'est ce qu'on vient d'entendre. C'est dans le palmarès anglophone ça, cette semaine, c'est fou. Et vous savez, cette semaine, on est en pleine journée québécoise de la solidarité internationale. Ça a commencé la semaine dernière, le 4 novembre, et ça dure jusqu'au 15 novembre. Il y a des activités reliées à ça ici à Trois-Rivières, entre autres organisées par le comité Solidarité Trois-Rivières. Il y a des conférences. En fait, moi, je vous parle de deux conférences qui ont lieu mercredi. C'est dommage, c'est la même journée, les deux. Donc, il y a un choix à faire. Le thème des journées québécoises de la solidarité internationale cette année, c'est climat d'urgence, une justice climatique pour protéger l'humanité. Donc, évidemment, les conférences reliés à ça, on traite d'environnement, d'enjeux environnementaux. La première conférence dont je vous parle s'appelle « Comment réduire notre dépendance au pétrole ». C'est une conférence qui est donnée par Cédric Chaperon du Regroupement des conseils régionaux de l'environnement. C'est organisé conjointement avec la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie. Cette conférence-là a lieu à la salle Hubert-Rive du Collège La Flèche. Ici à Trois-Rivières, donc si vous êtes, on dit membre, donc j'imagine qu'on parle de la chambre de commerce. Si vous êtes membre de la chambre de commerce, c'est 25$ plus taxes, c'est 15$ plus taxes, et pour les non-membres, 25$. Donc c'est sûr que c'est quand même assez coûteux pour une conférence, mais ça a l'air très intéressant. Donc Cédric Chaperon, qui est du conseil régional, des conseils régionaux de l'environnement. Comment réduire notre dépendance au pétrole, et peut-être si vous avez un budget un peu plus restreint, parce que quand même c'est pas donné. Il y a une autre alternative, c'est le même soir, c'est le mercredi le 11 novembre également. C'est une conférence qui est donnée, celle-ci, par Steven Guilbeault d'Équiterre. Et la conférence s'appelle « Développement durable, de la théorie à l'action », donc où on traite simplement de développement durable. Cette conférence-là est 5$, ou c'est gratuit pour les étudiants du Cégep de Trois-Rivières, parce que la conférence a lieu au Cégep de Trois-Rivières, c'est au théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Donc c'est le 11 novembre à 7h, et pour Cédric Chaperon, c'est le 11 novembre aussi, mais à 7h30 au Collège La Flèche. Si vous voulez en savoir plus sur les journées québécoises de la solidarité internationale, faites une petite recherche là, comme ça. Leur site internet s'appelle AQOCI.qc.ca, donc pour attendre un petit peu, AQO, c'est Association québécoise des organismes de coopération internationale. Donc vous allez avoir toutes les informations sur les journées québécoises de la solidarité internationale là-dessus, mais faites une petite recherche, vous allez voir, c'est très très simple. Plein de conférences données un peu partout à travers le Québec pour cette occasion-là, ça dure jusqu'au 15 novembre. Maintenant, on va continuer, on va retourner en musique avec une pièce de Cougar qui s'appelle Supernova. Vous êtes toujours à Assemblage Requis au 89.1 FM. Je vois plus d'étincelles que de la poussière tombée du ciel. Assemblage Ruki et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Young Heart Spark Fire, c'est du groupe Japan Droids. Ce qu'on vient d'entendre juste avant ça, on a entendu La Rue Oblique du groupe We Are Wolves, qui était de passage à Trois-Rivières jeudi dernier. J'espère que vous êtes allés faire un tour. Il y avait beaucoup de gens, en tout cas. J'ai été vraiment agréablement surpris parce que souvent, c'est le cas ici à Trois-Rivières, les gens se présentent pas dans les spectacles, même quand c'est des groupes vraiment très intéressants. Même quand on sait qu'il y a un public pour ces groupes-là, souvent les gens sortent pas ou vont pas voir. Puis il y avait quand même beaucoup de gens au Nord-Ouest Café jeudi dernier pour We Are Wolves et Parlor. Je vous parlerai pas tant en détail du spectacle parce que j'ai dû quitter assez tôt, en fait. Justement, vu comme 3 ou 4 premières pièces de We Are Wolves, j'avais vraiment pas le choix d'en aller. Il fallait que j'aille travailler, mais Maxime Lemieux-Laramé va assurément nous en parler plus en détail dans sa chronique qui tient ici à l'émission à tous les jeudis. Donc, manquez pas ça, c'est jeudi aux alentours de 16h15 environ, la chronique Télécharge quoi de Maxime Lemieux-Laramé. C'est sûr qu'il va nous parler de ce spectacle-là. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, j'ai été agréablement surpris de voir à quel point il était à l'aise sur scène. Et puis, c'est sûr que ça fait longtemps qu'il tourne. On jouait pas mal partout en Amérique du Nord, un peu ailleurs aussi. Et vraiment toute une aisance sur scène. Et puis, c'était vraiment très sale aussi. Un son vraiment sale, mais ça, on pouvait s'en attendre avec le son de l'album. C'était très rock et très sale. Et puis, ça brassait pas mal. Puis, sûrement qu'on pourra en jaser un peu plus avec Maxime. Manquez pas sa chronique Télécharge quoi. C'est tous les jeudis ici dans l'émission Assemblage requis. Et justement, parlant de Maxime, on va écouter un groupe qui nous a fait découvrir dans cette chronique-là, en tout cas qui m'a fait découvrir, moi, peut-être que vous connaissiez avant, le groupe Hockey. Et puis, depuis ce temps-là, Hockey a fait son apparition dans le palmarès anglophone. Donc, on voit que Maxime a vraiment beaucoup, beaucoup d'influence ici. Assez fou, donc on écoute la pièce Too Fake de Hockey à Assemblage requis. I'm just C'est fou, 89.1. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Pièce « Je t'adore » à Assemblage Rocky, c'est le groupe Jésus les filles. C'est un groupe qui sort de l'étiquette méga fiable. Et c'est d'anciens membres, en fait, des groupes Les Vautours, Sweetheart Sebastian et Kid Sentiment, et des membres actifs du groupe punk Bonne Journée, et aussi Le Monde dans le Feu, qu'on aime bien ici à l'émission. Donc, toutes des gens quand même connus, du moins ici, qui sortent avec ce groupe-là, Jésus les filles. Donc, ça semble être assez nouveau, assez récent. Il n'y a pas grand truc encore dans leur dossier de presse. J'essayais de chercher un peu. C'est assez vierge, mais très bon, cette pièce-là. Je t'adore, de Jésus les filles. C'est sûr que vous allez en réentendre, entre autres, à l'émission La dernière porte à gauche. On va continuer tout de suite avec les trois accords et leur pièce qui est dans le palmarès francophone ici à C'est fou. Ça s'appelle Le bureau du médecin. On écoute ça à Assemblage Rocky. Ça ne sera pas long.

Mille Monarques et la pièce rouge à Assemblage Rocky. Et c'est ce qui termine l'émission pour aujourd'hui. Donc, merci à vous d'avoir été là. Je vous rappelle que vous étiez en compagnie de Kiwan qui était seul exceptionnellement aujourd'hui. Mathieu devrait, en fait, je l'espère, être de retour demain. J'espère qu'il se porte bien, qu'il se soigne bien aujourd'hui et qu'il va être de retour demain à 15h pour une autre émission de... L'assemblage requis, ce qui s'en vient tout de suite, c'est l'émission Donne-moi le goût. Ça va être suivi de Chérie mes coups de dessus. Il va y avoir Le Voyage insolite ensuite de ça. Et Simon Fitzbé qui va s'installer à 8h avec Album classique et Krautrock. Je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de C'est fou. Et je vous retrouve demain, je l'espère, en compagnie de Mathieu. Il va y avoir aussi à l'émission demain, Émilie Gauthier et Simon Fitzbé. Donc, bonne soirée. Bye bye. Donne-moi le goût s'en vient. Laissez avec une pièce du groupe Circulatory System, la pièce The Lovely Universe. Bye bye. Yeah.